بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc voici la traduction de l'allocution de Cheikh Nasir ibn Ahmad al-Adani, hafidhahullah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et pas d'hostilité si ce n'est envers les injustes. Je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, lui qui est l'allié des gens pieux. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager, qu'il est véridique et digne de confiance. Qu'Allah fasse ses éloges de la meilleure des manières et lui adresse ses salutations les plus parfaites. Ceci étant dit, pour commencer, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a facilité et m'a aidé à participer à ce séminaire béni et à donner une allocution en guise d'ouverture, le séminaire de l'imam al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, élargisse sa tombe, l'élève en degré, lui efface ses péchés et fasse qu'il soit avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ce séminaire est le premier de nos frères étudiants en sciences. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les récompense en bien pour leurs efforts et qu'il les aide, leur accorde d'avancer sur un chemin droit, les élève en degré et qu'il fasse d'eux des lumières éclairant le chemin pour les musulmans de leur pays. Ô mes frères, il n'y a pas de doute que propager la science est une cause de stabilité pour la religion et les affaires mondaines. L'imam Zuhri, rahmahullah, a dit « Certains des savants qui nous ont précédés disaient « En s'attachant à la sunna, on obtient la réussite. Or la science disparaît de manière très rapide. La propagation de la science permet donc à la religion et aux affaires de ce bas monde de perdurer. Et si la science disparaît, tout ceci disparaîtra. » Il est connu que ce bas monde durera tant que la révélation y sera présente, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est attesté dans l'authentique d'Al-Bukhari et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il y a la disparition de la science et la diffusion de l'ignorance. » Ainsi, si cette révélation, cette lumière, ce soleil disparaît, alors c'est elle qui éclairera la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala fera venir le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui assisteront à la venue de l'heure font partie des pires de la création. Il a dit également alayhi salatu wa salam, comme il a été rapporté dans les recueils authentiques, l'heure ne surviendra qu'au moment où l'on ne dira plus sur terre « Allah, Allah » et les gens n'arriveront à ce stade qu'avec la disparition de la science, la disparition de cette lumière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens « Ô prophète, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Le monde d'ici-bas ne subsiste donc que parce que la science elle-même subsiste, et il ne fait aucun doute, mes chers frères, que pour que cette science perdure, il faut la propager chez les gens. Il faut l'expliquer, la transmettre, enseigner ceux qui l'ignorent et patienter avec eux. En suivant ce chemin, la science se propage. Parmi les moyens pour diffuser cette science, les séminaires bénis, organisés par les gens de science et de la sunna, et ce séminaire, organisé par nos frères et diffusé dans plusieurs pays, par la radio du Merkez al-Ghuraba, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte leurs efforts, les aide, les guide, inscrive pour eux une grande récompense et qu'il fasse que ces séminaires continuent à s'organiser chaque année de façon à ce que la science authentique, venant d'une source authentique, y soit propagée, en espérant que par cette cause, le bien se répande, l'ignorance disparaisse et que les gens vivent dans le bienfait de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon allocution a pour sujet les mérites de la science et les causes empêchant de l'étudier, ou qui font que l'on arrête de l'étudier et que l'on échoue dans son acquisition. Ce sujet est vaste et aurait besoin de beaucoup plus de temps, mais je vais résumer. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la science et les actes. Il dit, dans la traduction rapprochée du sens, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. La guidée, c'est la science bénéfique, et la religion de vérité, les œuvres pieuses. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la science et les actes, il est pour les gens obligatoire d'acquérir ce savoir et d'accomplir les bonnes œuvres. Ils doivent s'attacher fermement à cette lumière, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant dans la traduction rapprochée du sens, « Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur un chemin droit. C'est certainement là un rappel pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. » Il est donc du devoir de tout musulman d'apprendre cette science, et il s'agit d'une des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites. En effet, il n'est pas possible pour le serviteur d'appliquer cette religion, sauf en ayant appris la science. Il a été ainsi attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Apprendre la science est une obligation qui incombe à tout musulman. Chaque musulman, ceci est une obligation individuelle. Chaque musulman doit apprendre de cette science ce qui lui permet de pratiquer la religion, comme le tawhid, la prière, les ablutions et les autres obligations qui lui incombent. Nous voyons là de façon claire l'importance de la science dans la vie du musulman et son grand mérite. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les mérites de la science, la valeur des savants et de ceux qui sont attachés à la science, il veut nous signifier que nous devons l'apprendre et nous encourage à l'étudier pour obtenir ce mérite et atteindre ses degrés. Dans de nombreux versets de son noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ce qu'est la science et montré sa valeur. Or, ces versets sont un encouragement, une incitation à l'apprendre et à l'acquérir pour nous permettre de nous élever et d'obtenir ses rangs et ses mérites. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la traduction rapprochée du sens, et dit « Ô Seigneur, augmente mon savoir ». Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ce verset montre clairement le mérite de la science. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète de demander plus de science, et la seule chose dont Allah dit au prophète de demander qu'il lui augmente. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a pris les savants comme témoins de son unicité, et ceci indique la valeur de la science. Allah les a choisis, eux en particulier pour ce grand mérite, c'est-à-dire les prendre à témoin de son unicité. Ils sont donc des gens de mérite et de bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, Allah atteste, et aussi les anges, et ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Comme l'a dit le grand savant Ibn al-Qayyim, ceci est le plus immense des témoignages, venant du plus grand des témoins, témoignant de la chose la plus grandiose. Le plus immense des témoignages est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Le plus grand des témoins est Allah, puis les anges, puis les savants, témoignant de la chose la plus grandiose, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites de la science, on peut citer aussi le fait que ceux qui l'étudient et font des efforts pour l'acquérir sont les héritiers des prophètes et des messagers. Qu'Allah fasse leurs éloges et leur accorde le salut. Il est attesté dans les Sunan, dans le hadith rapporté par Abi Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont légué ni dinar, ni dirham, ce qu'ils ont laissé comme héritage est la science, et celui qui l'acquiert aura certes acquis une part énorme. » C'est pour cette raison qu'Abu Huraira, radiallahu anhu, passa près d'un homme qui était à l'extérieur de la mosquée et lui dit « Tu es ici ?» Alors que les gens se partagent l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, alors l'homme entra et ne vit que des assises de science. Il dit « Où est-ce que tu as prétendu, ô Abu Huraira ?» Et Abu Huraira lui répondit en indiquant « Les assises de science, ici. » Cette science que le serviteur apprend est donc l'héritage des prophètes et des messagers. Qu'Allah fasse leurs éloges et leur accorde le salut. Il convient donc aux musulmans de chercher à en avoir toujours plus, de fournir les efforts pour l'acquérir, pour l'apprendre, pour en posséder autant que ses capacités le lui permettent. Très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette science facile. Celle-ci n'est pas difficile. Il est vrai que dans le passé, son acquisition était dure et fatigante pour les gens. L'un d'eux parcourait de grandes distances pour apprendre seulement un ou deux hadiths. Mais maintenant, la recherche de la science est devenue facile, plus facile qu'avant. Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il facilitera le chemin à celui qui souhaite l'apprendre. Il dit dans la traduction rapprochée du sens, « Nous avons certes rendu le Coran facile pour le rappel. » Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Certains salafs ont dit que le sens de ce verset est « Y a-t-il un étudiant recherchant la science pour qu'il soit aidé ?» Et très certainement, l'étudiant en science est aidé par Allah subhanahu wa ta'ala s'il est véridique dans sa volonté d'apprendre. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rappelé que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait facilité le Coran comprend trois choses. Ses mots sont faciles à apprendre par cœur, ses sens sont faciles à comprendre, et il est facile d'appliquer ses ordres et délaisser ses interdits. Tout ceci est facilité, et sans aucun doute, le Coran est la source de la science. Chacun d'entre nous, lorsqu'il apprend, prend la science du Coran et de la Sunna. C'est cette science dont Allah a fait l'éloge, et il a fait l'éloge de ceux qui la possèdent, tous les textes dans le Coran et la Sunna qui vantent les mérites de la science parlent de la science du Coran et de la Sunna. Tel que l'a dit le grand savant Ibn al-Qayyim, la science est, Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, voilà ceux qui possèdent la connaissance. Également parmi les mérites de la science, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens de science et aux étudiants le fait que les anges baissent leurs ailes car ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Or les anges n'agréent que ce qu'Allah agrée. Si donc ils agréent le savoir et les gens du savoir, ceci signifie qu'Allah agrée les savants et les étudiants. En effet, les anges n'agréent que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et ne se mettent en colère qu'à cause de ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. » Ce hadith rapporté par al-Bukhari, de Muawiyah et d'autres, indique clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien aux gens de science, Lorsqu'une personne apprend la science et se donne les moyens pour l'acquérir, ceci est un signe qu'Allah lui veut du bien. Nous tous devons donc prendre le chemin qui nous permettra d'acquérir cette science, puis nous devons la propager chez les musulmans, ceci de façon à ce que le bien se répande et que le mal et l'ignorance diminuent. Les innovations religieuses, les égarements, le polythéisme et la mécréance ne disparaissent que lorsque la lumière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète apparaît et qu'elle se répand au sein des foyers musulmans. À l'arrivée des sunnans, les innovations tournent le dos et s'enfuient. Et le contraire est vrai aussi. Lorsque les sunnans s'en vont, les innovations apparaissent. Ô mes chers frères en Allah, barakallahu fikum jami'an, wa hafidhakumullah, qu'Allah vous accorde à tous sa bénédiction et vous protège. Ce que nous avons voulu montrer est le mérite de cette science, qu'elle compte parmi les choses les plus essentielles que les gens s'efforcent d'atteindre et que le besoin qu'en ont les gens est un besoin immense. Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit: les gens ont plus besoin de science que de la nourriture et la boisson. En effet, les gens n'ont besoin de manger et de boire qu'une ou deux fois par jour, alors qu'ils ont besoin de science à chaque inspiration. Et ceci est exact. Si l'individu perd la science, il meurt. Et sa mort est alors celle du cœur, non pas celle où l'âme sort du corps. Or, cette mort est pire que l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala a attribué aux mécréants cette caractéristique. Il dit dans la traduction rapprochée du sens: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Il dit également, parlant des mécréants, selon la traduction rapprochée, ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Celui dont le cœur est vide, sans science, est un cœur mort. Et lorsque le cœur meurt, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, il ne reconnaît plus le convenable et ne condamne plus le blâmable. La réalité lui apparaît déformée à cause de l'ignorance qui s'est effondrée sur lui. Le convenable devient dans son cœur blâmable, et le blâmable convenable, et cela est très dangereux. À cause de cela, la personne court à sa perte et son cheminement vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala est interrompu. Ceux qui empruntent la voie qui mène au paradis sont donc ceux qui étudient la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science verra Allah lui faciliter par cela un chemin menant au paradis. Cette science, mes frères, est confrontée, elle est attaquée et exposée à des tentatives venant du diable pour détourner l'individu de l'étude de la science. La pire des choses pour le diable, celle qui le fait désespérer, que l'homme le suivra un jour, et quand celui-ci est occupé par l'étude de la science, plus il acquiert de science, plus le diable perd espoir qu'il parviendra à l'égarer, à le fourvoyer. Ibn al-Jawzi dit: la première des ruses du diable envers les hommes est de les détourner de la science. En effet, la science est une lumière et une lampe par laquelle il s'éclaire dans les ténèbres. Et s'il parvient à éteindre leur lampe, il le fera alors se perdre et divaguer dans les ténèbres. Il faut donc que l'étudiant soit attentif. Il faut qu'il soit sur ses gardes face aux causes qui empêchent l'étude de la science, qui l'amènent à interrompre son apprentissage, ou encore qui le font échouer dans l'acquisition du savoir religieux. Les savants ont écrit à ce sujet des livres connus des étudiants en science et ont cité certaines de ces causes qui sont très nombreuses. Premièrement, parmi les causes qui peuvent empêcher l'individu d'étudier, il y a le fait d'avoir un âge avancé. Il se peut que quand l'un d'entre nous voit qu'il est arrivé à un âge avancé, il pense qu'il n'est plus apte à étudier la science. Il croit que parce qu'il a négligé l'apprentissage dans sa jeunesse et qu'il a maintenant vieilli, il ne pourra pas apprendre. Alors il se satisfait de son ignorance. Alors il ne fait aucun doute que ceci est une ruse du diable, une ruse qui mène à l'ignorance et une tromperie qui cultive la paresse. Ceci est une ruse, car comme nous l'avons vu, l'apprentissage de la science est une obligation et une adoration. Donc si la personne dit qu'elle n'est pas apte à étudier, c'est comme si elle disait qu'elle n'est pas apte à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration. En effet, l'étude de la science fait partie des adorations, comme nous l'avons vu précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné d'apprendre la science et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager ont ordonné est une adoration. Ainsi de dire « je ne peux pas apprendre la science » revient à dire « je ne peux pas adorer Allah ». Tout être humain encore en vie est capable d'étudier, qu'il soit âgé ou jeune, tout le monde est capable d'étudier. Hassan al-Basri fut interrogé de la sorte. Quand est-ce que l'individu est considéré comme pouvant étudier? Il répondit, tant que l'on considère qu'il est vivant. D'autre part, apprendre la science, alors que tu es déjà âgé, est meilleur pour toi que de laisser la science et de rester ignorant. En effet, tu obtiendras les mérites de la science, et ceci à la fin de ta vie. On peut alors espérer que ta fin sera heureuse. Dans quoi serais-tu donc? Dans un bien. Si ceci t'a manqué au début de ta vie, Allah t'aura accordé ce bien à la fin de celle-ci. Mourir en étant un étudiant en science qui étudie à la fin de sa vie est bien meilleur pour toi que mourir en étant ignorant. Un certain nombre de compagnons, qu'Allah les agrée, disaient que si l'étudiant meurt pendant ses études, il meurt martyr. Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a cité dans son excellent livre Miftah Dar al-Sa'ada et dit qu'il disait « Si l'individu est un étudiant en sciences et que la mort vient pendant qu'il étudie, alors il est martyr. Mourir en recherchant la science est bien mieux pour toi que vivre ignorant et satisfait. » Al-Bukhari cita la parole de Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, rahimahullah, « Il ne convient pas à celui qui possède, ne serait-ce qu'un peu de science, de gaspiller ses capacités. Tu as un peu de compréhension, d'intelligence, de capacité à mémoriser. Ne laisse pas cela partir en pure perte. Ce sont là des bienfaits qui te sont donnés. Prends-en soin et utilise-les dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ibn Hajar rahimahullah a dit en commentaire de cette parole, ceci veut dire que celui qui a de la compréhension et des facilités dans la science ne doit pas faire preuve de négligence et délaisser l'apprentissage. Ceci pourrait être une cause menant à la disparition de la science. Fin de sa parole. Si tu as donc encore de la force, de la vie, que ton âme est présente dans ton corps et que tu peux lui donner la science, alors apprends-la. Et c'est ainsi qu'étaient les grands imams de l'islam. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils étudiaient la science jusqu'à ce que leur vie touche à sa fin. Un homme parti visiter Yahya ibn Ma'in, l'imam de la critique et l'éloge, rahimahullah, alors qu'il était malade, la maladie précédant sa mort, il lui demanda « De quoi as-tu envie, ô Abba Zakariya ?» Il lui répondit « Une maison sans personne et une chaîne de transmission avec peu de rapporteurs entre le muhaddith et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Également Ibn Jarir al-Tabari, l'imam des exégètes du Coran, rahimahullah, fut visité par certains de ses frères lors de la maladie qui entraîna sa mort. Ceux-ci lui rapportèrent une faïda, c'est-à-dire un point intéressant, et un hadith. Il prit alors un papier, une plume et l'écrivit. Ils lui dirent « Tu écris ? Alors que tu es dans cet état ?» Il répondit, « Si je dois mourir, alors mourir en connaissant cette faïda est meilleur pour moi que de mourir en l'ignorant. » Et il leur dit, « L'homme ne doit pas laisser la science jusqu'à ce que la mort le prenne. » L'imam al-Bukhari, rahmahullah, cita une parole de Omar, radiallahu anhu, que vous connaissez. Étudiez la science avant que vous ne soyez faible ou occupé. Qu'a dit al-Bukhari après cela? Et après que vous soyez devenu faible et occupé. Le sens de faible et occupé est que vous deveniez âgé ou pris par vos occupations, par l'enseignement, les fonctions au sein de l'État, la réconciliation entre les musulmans, etc. Al-Bukhari a dit, et après que vous soyez devenu faible et occupé, ne laisse donc pas le diable venir et te dire, oh mon frère, tu es maintenant âgé. Il ne convient donc pas que tu apprennes la science. L'apprentissage de la science est pour les jeunes. Toi, ta mémorisation est partie. Ta compréhension est partie. Ceci fait partie des insufflations diaboliques, de la tromperie et de la ruse. Apprends donc la science et ne pense pas que c'est pour toi difficile ou impossible. Tant que la vie est en toi, tu peux apprendre. Ne te dis pas que tu n'es pas fait pour l'apprentissage et ne pense pas que c'est ennuyeux. Comme le dit le poète, apprends et ne dis pas que c'est difficile. Certes, le vrai danger pour l'étudiant, c'est de trouver les études ennuyantes. Ne vois-tu pas que par la répétition, la goutte d'eau a percé le rocher? Et certes, ton cœur n'est pas comme la pierre. Si la goutte a réussi à percer le rocher, comment la science n'aurait-elle pas d'effet sur ton cœur? Tu essayes de comprendre, de mémoriser. Chaque jour, tu profites d'un point intéressant. Tu découvres une information nouvelle. Dans l'une des branches de la science, tu écoutes une conférence, tu écoutes ou tu assistes à une khutba du vendredi, tu t'assois aux assises de science et tu essaies de comprendre, puis tu apprends ce qu'Allah t'a destiné et facilité. Ne serait-ce qu'une faïda par jour, dans l'année, combien cela fera-t-il de fawaïd? Plus de 360. C'est de cette manière que les choses doivent se faire. Chaque jour, un peu. Puis un peu, ainsi il a été dit, aujourd'hui un petit peu, et demain la même chose. En rassemblant les parties de la science à retenir, l'homme arrive à acquérir la sagesse. En effet, le fleuve n'est constitué que de gouttes d'eau rassemblées. Ô mon frère, qu'Allah te bénisse, commence à apprendre la science, et ne te décourage pas à cause de ton âge, de ta maladie, ou de ta situation. Parmi les causes qui empêchent l'étude de la science, le fait de voir la chose comme étant une chose difficile. Au début, certes, l'étudiant en science trouve l'apprentissage dur et difficile, et certes, la science demande d'être patient et endurant. Mais cette difficulté que l'on ressent au début ne tarde pas à s'estomper et à disparaître au fur et à mesure que l'on progresse dans l'apprentissage, jusqu'à ce que l'étude de la science soit parmi les choses qui nous procurent le plus de désir, et même la chose qu'on aime le plus que ce bas monde, et tout ce qu'il contient. Hassan al-Basri dit à ce sujet, « Si les rois et les fils des rois savaient dans quel bien-être nous vivons, ils nous frapperaient avec leur fouet. » Quant à dire dès le départ que le chemin de la science est difficile et que je ne pourrai pas être constant, que si je commence, j'ai peur de m'arrêter, ceci est une erreur. Pourquoi? Parce qu'informer d'une chose avant de l'avoir expérimentée est en fait parler avec ignorance. La personne dit que c'est une voie difficile, qu'il ne pourra jamais acquérir la science. Un informe d'une chose avant même d'avoir essayé. Il ne faut pas avoir peur des choses avant qu'elles arrivent, car avoir peur des choses avant qu'elles arrivent conduit à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, à l'impuissance tel que le dit le poète, ne craint pas les choses trop souvent sans raison. Celui qui fait cela doit s'attendre à l'échec. Et un homme dit à Abu Huraira, qu'Allah l'agré, je veux apprendre la science, mais je crains de ne pas lui donner tout le soin et l'attention qu'elle mérite. Il lui répondit, en refusant de l'apprendre, certes, tu ne lui auras rien donné de ce qu'elle mérite. Délaisser l'apprentissage de la science, tel que l'a dit Abu Huraira, qu'Allah l'agré, est une négligence. Celui qui ne l'apprend pas se néglige lui-même, néglige sa famille, néglige ses enfants. C'est pour cela qu'il ne faut pas craindre le chemin qui mène à la science. Le chemin qui mène à la science est facile, si Allah te le facilite. Malgré tout, il peut y avoir des obstacles, des épreuves et autres, au début de ton cheminement. Cependant, ceci ne doit pas te pousser à abandonner la science. Si tu fais cela lorsque tu ressens des difficultés, tu seras privé d'un bien immense dans cette vie et dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des gens de science de manière grandiose. Elle leur a promis une énorme récompense. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Toutes les éloges faites dans le Coran en faveur des croyants reviennent également aux gens de science. Ils sont même les premiers à les mériter, car ils sont les plus élevés en mérite parmi les croyants. » Regardez donc dans le Coran combien de récompenses ont été promises aux croyants et combien d'éloges leur ont été adressés. Allah est avec eux, repousse leurs ennemis, les défend, leur donne la puissance, les élève en degré. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et les degrés de ceux qui ont reçu le savoir. Les degrés des gens de science sont au-dessus de ceux des croyants. Et c'est de ce verset que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah tire sa parole. Toutes les éloges faites dans le Coran en faveur des croyants reviennent également aux gens de science, car ils sont les plus élevés en mérite parmi les croyants. Il s'appuie sur ce verset dont la traduction rapprochée du sens est « Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru » et les degrés de ceux qui ont reçu le savoir. Il les élève donc pour leur foi et pour leur science. Alors, si tu trouves des difficultés sur le chemin de la science, ne délaisse pas pour autant ses bienfaits, ses éloges, ses honneurs, ce rang et ce soutien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a informé qu'il est avec ceux qui combattent et avec les bienfaisants. Or, l'étudiant en science et celui qui enseigne le bien aux gens sont des combattants dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont bienfaisants envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit également dans son noble livre, dans la traduction rapprochée du sens, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Il n'y a pas de doute que l'étudiant en science est un combattant et que l'apprentissage de la science et sa propagation auprès des musulmans fait partie du djihad dans le sentier d'Allah. De même, l'étudiant et l'enseignant sont bons envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est avec toi et celui qui a Allah avec lui, que craint-il? De qui a-t-il peur? Je vais conclure par un dernier point, sans être trop long, qu'Allah vous bénisse. On compte parmi les causes qui font que la personne arrête ses études le fait qu'elle s'occupe de chercher à gagner de l'argent. Bien sûr, si l'un d'entre nous voulait se consacrer totalement à l'étude de la science, il ne pourrait pas s'occuper de trouver de quoi manger, boire, s'habiller. Il faut donc chercher à étudier la science en fonction de ses capacités. De même, il ne lui est pas permis de négliger ce qu'Allah lui a confié comme sa femme et ses enfants, son père, sa mère, ses sœurs et ses frères. Mais il ne doit pas passer tout son temps à vouloir gagner de l'argent. Il doit réserver une partie de son temps en fonction de ses disponibilités pour acquérir la science. D'autre part, il ne fait pas de doute que celui qui peut se libérer totalement pour étudier, parce qu'Allah lui a facilité, lui a octroyé une subsistance, une somme d'argent, ou des gens parmi ses frères ou sa famille qui s'occupent de ses besoins, celui-ci doit se consacrer à l'étude de la science. De même, celui qui n'a personne à sa charge, pas de femme, pas d'enfant, qu'il se consacre entièrement à l'étude de la science et qu'il patiente s'il ne trouve pas de quoi manger et s'il est face à des difficultés. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, endurer ce genre de choses pour transmettre l'islam et la science. Vous connaissez certainement comment ils vivaient, en particulier les gens du Sofa. Abu Huraira lui-même tombait évanoui à cause de la faim, car il avait décidé d'accompagner régulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre auprès de lui la science. Et Abu Huraira devint celui parmi les compagnons qui apprit le plus de hadith. L'imam al-Zahabi a cité dans son livre Al-Muqidha que les Huffaz, donc ceux ayant appris les hadiths par cœur, ont différents degrés, et que celui qui vient en tête est Abu Huraira. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Tariq al-Hijratayn que celui ayant le plus appris la science par cœur est Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Supporte donc, ô mon frère, l'épreuve de la faim, du manque de vêtements, de la maladie, dans le but d'apprendre la science. Ce ne sont là que des jours, puis des mois, qui passent, et te voilà parmi les gens les plus nobles, les plus valeureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'étaient les salafs et les imams de l'islam, qu'Allah leur fasse miséricorde et les agrée. Ils firent face à de grandes difficultés, qu'ils supportèrent avec endurance et patience. Les voyages, la faim, l'absence de vêtements, certains ont même vendu le toit de leur maison, comme Rabi' ibn Abdurrahman, le cheikh de l'imam Malik. L'imam Malik disait, même à son sujet, que parfois il avait tellement faim qu'il mangeait ce qu'il trouvait comme reste de nourriture dans les poubelles des gens de Médine. Ceci car il passait tout son temps dans l'étude de la science et les histoires des savants racontant leur patience face à la faim et aux difficultés dans l'apprentissage de la science sont extrêmement nombreuses. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ouvre les portes de la science bénéfique et des œuvres pieuses. Je lui demande qu'il fasse de nous des gens qui écoutent la bonne parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Je demande qu'il nous accorde la réussite, la guider et qu'il nous raffermisse sur l'islam et la sunna jusqu'à sa rencontre. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.